Et je démarre au quart de tour pour te pousser dans la passe. Alors pousse-toi quand le 9-4 se place. Ça vient de Villeneuve le Roi, putain de rap tenace. Beaucoup font les pétasses, moi je suis venu pour tout péter. Faut faire péter la liasse, mais personne va t'aider. C'est chacun pour sa gueule et pour rien on se fait la guerre. C'est tout ça qui m'agace car c'est tout seul qu'on s'enterre. J'attends rien de personne, faut pas être déçu. Je reste brut comme le ciment qui a investi toutes nos rues. Je tue la rime, 16 mesures pour vous choquer. Fumer toute l'air à cleur et laissons les charcler. Avoir les faux à l'usure, sonner l'alerte. Déclencher l'alarme, la rébanne du A87, rap dangereux qui crée un drame. Tu peux sonner l'alerte, j'ai lancé l'assaut. C'est là ce que tu peux faire, je suis un vrai fléau. J'arrive avec un flow que t'as jamais entendu. C'est dû à mon niveau, à tout travail que je fournis. Tu peux sonner l'alerte, j'ai lancé l'assaut. C'est là ce que tu peux faire, je suis un vrai fléau. J'arrive avec un flow que t'as jamais entendu. C'est dû à mon niveau, à tout travail que je fournis. Je vais remonter les pendules pour mettre tout le monde d'accord. Pour faire un tube ou même changer de bord. J'ai ma fierté, je baisse pas mon froc pour faire partie du biz. J'arrive en busqué pour atteindre ce que je vise. Mais sans faire la pédale pour faire disque d'or. Je me dois de rester pareil pour pas avoir de remords. Au destin on se remet et on se pétale le cerveau. Au deux-deux on s'évade, j'suis venu faire un carton. J'parle pas des rappeurs, j'm'en fous de leur gueule. J'fais mon truc, me calcule pas si tu veux me porter l'œil. J'raconte pas de mythos, j'm'invente pas un vécu. J'balance que du vrai pendant que t'es ridicule. Ton bateau j'viens couler, tu te la coules tout. Allez par toi, après cette trip d'enfoiré. Nique le beat de Basta et je représente mon secteur. C'est les scores bas, une lyricale, tu meurs. Tu peux sonner l'alerte, j'ai lancé l'assaut. C'est là ce que tu peux faire, je suis un vrai fléau. J'arrive avec un flow que t'as jamais entendu. C'est dû à mon niveau, à tout travail que je fournis. Tu peux sonner l'alerte, j'ai lancé l'assaut. C'est là ce que tu peux faire, je suis un vrai fléau. J'arrive avec un flow que t'as jamais entendu. C'est dû à mon niveau, à tout travail que je fournis. Dans quel temps on s'organise, on compte sur l'aide de personne. On se démerde entre nous et si tu veux l'air seul. Personne connaît son sort ou ce qui se passera demain. Mais putain faut que ça sorte, défoncer les portes au bureau. C'est certain t'es bien servi, j'ai des rimes de qualité. Mais je me la raconte pas et je fais pas le PD. J'ai toujours des choses à dire mais faut pas tourner en rond. Je garde dans ma ligne de mire que le chemin est long. Longue est la route parsemée de pièges et d'embûches. Pour ça qu'on bouge qu'entre nous même pendant un déluge. Après la pluie de beau temps mais c'est l'orage dans nos têtes. J'suis venu foudroyer les watts et tous ceux qui s'entêtent. J'rappe ça fait longtemps que je compte même plus les années. Prépare l'apocalypse qui va tout balayer. Bouleverser les données, j'suis de ceux qui changent pas. Même si je veux briller, tu es comme un Beretta. Tu peux sonner l'alerte, tu peux sonner l'alerte. 8-7, tu peux sonner l'alerte. Tu peux sonner l'alerte. La coulée, tu peux sonner l'alerte. 9-4, tu peux sonner l'alerte. 8-7, tu peux sonner l'alerte. 9, tu peux sonner l'alerte. Tu peux sonner l'alerte, j'ai lancé l'assaut. C'est là ce que tu peux faire, j'suis un vrai fléau.